nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Eri, on se retrouve pour Hentar Brazon Neck, nouvelle émission, ou Hentar Brazon Neck, comme disent les frères Morvan, ils disent ça. Hentar Brazon Neck, ya. Ya, ya. Kentel, Perran, Dawarnugen, Nekese, 422. Ya, 422, ya. Ya. Déjà. Déjà, ya. Alors, aujourd'hui, on va voir une racine qu'on trouve assez souvent, c'est pigne. Pign, P-I-G-N. Alors c'est une racine qui donne le sens de monter, quelque chose qui monte, quelque chose qui grimpe, hein, pign. Hein. Et donc, alors c'est déjà, si c'est tout seul, c'est un adjectif qualificatif, pign, hein, donc perché, hein, qui est le montant. Et il y a aussi une autre expression qui vient de là, c'est in pign. Hein. Une pigne, quand j'étais gamin, en français, on disait en pendant. Ah oui. En pendant. Comme les andouilles. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Voilà. Quand je me souviens, j'avais des voisins, quand ils étaient punis, on mettait les vélos en pendant. Une pigne. Ouais. Au clou. Au clou, oui. Pendant, ça ne durait pas longtemps d'ailleurs, mais c'était une sacrée punition, ça, être privé de vélo. Parce qu'on passait notre temps sur le vélo dans le temps. Voilà. Alors ici on dit une pigne et vers Kergris là on dit souvent une scour. Hein. C'est la même chose, hein, mais c'est tout ce qui pend. Hein. Et comme tu dis, on met beaucoup de choses comme ça, hein, pour gagner de la place souvent. Hein. Il y a même des tables en pendant comme ça aussi. Hein. Des bancs, non hein, ouais, des bancs et tout ça, on peut. Il y avait les planchons de bar aussi qui pendaient voilà. D'une certaine façon. Les planches à pain qu'on mettait au-dessus de la table pour mettre tout ce qui ne devait pas être mangé par les souris. Voilà, et donc ça permet de gagner de la place. Une pigne, voilà. Et maintenant, on fait des tentes suspendues aussi, comme ça. Oui, mais ça, on fait ça que à Trémargat. Il y a Pumbrite, ça, Pumbrite. À Pumbrite, c'est fait à un fil. Des plumes marbres, voilà. On va faire, c'est notre minute de publicité. Voilà. Mais l'abus de plumes marbres n'est pas dangereux, en plus. Non. Non, c'est assez surprenant, hein. Donc, à la base nautique, là, il y en a. Alors, on suspend. Il y a beaucoup de choses, hein. Les costellous kixales aussi, hein. Les longes de porc, hein. Donc, on suspendait comme ça à une pigne de zone trust, hein. Suspendue à une poutre, hein. La poutre. Voilà. Donc, beaucoup de choses suspendues. Alors, pigne, donc, à partir de là, on fait un verbe, hein, qui est pignal, hein, ou pignate, et dont le participe passé est pignade. Oui. Et je me souviens d'avoir vu une traduction du corbeau et du renard, là, « Nitron de vran, noir arven, pignette ». Et construit comme en français, hein, ce qui m'a posé des problèmes quand j'étais allé au CP. Hein. Sur un arbre perché, je ne voyais pas pourquoi l'arbre était perché. Quoi. Ah ben oui. Voilà. Pignelois-Reven, quoi. Voilà. Donc, ça traduit à la fois le mouvement, l'ascension, et puis la situation finale. Voilà. Un pignette perché. Voilà. Alors, Warven pignette. Hein. Ouais. Les sonneurs et V pignette, c'est une habitude. Quoi. Ouais, pignette War Vary, tiens. Hein. J'ai pas sonné souvent sur une barrique une fois, ça m'est arrivé dans un mariage comme ça. On avait installé deux barriques là, c'était pas mal, hein, pour chaque compère, quoi. Ça permet de faire une percussion assez efficace, voilà. Alors d'autres expressions. Warbigne aussi, hein. Warbigne qui veut dire vers le haut. Hein. Warbigne, il y a hein. La route va vers grimpe, monte. Hein. Voilà. Alors aussi une expression religieuse, pignal de nid. Hein, pignal de nid, c'est monter au ciel. C'est alors l'ascension, par exemple, pour le Christ ou l'Assomption pour la Vierge le 15 août. Hein. Pignal de nid. Hein, voilà. Alors, des mots dérivés, pignade. Hein. Alors, on trouve pignade ou pignade. Hein. Donc, dans le premier cas, c'est féminin. Dans le second cas, c'est masculin. qui est dans le c'est toujours la même chose, hein. C'est une ascension, le fait de monter, hein. Alors Pinheiros, hein, Pinheiros qui est un ascenseur dans le breton moderne, Pinheiros, hein. En français on dit lift, hein. en français et même en russe, hein. Oui, ils ont adopté le lift. Non, mais on continue quand même à dire un peu un ascenseur, mais les gens branchés disent lift, quoi. Voilà. Alors l'ascension justement, Pinheiros, hein. Pinheiros, c'est l'ascension ou l'assomption, hein. Voilà. Pinheiros or Weihas, hein. C'est des mots qu'on n'emploie pas tous les jours forcément, quoi. Et alors souvent, on utilise Zevel aussi, hein, que Zevel a beaucoup de sens, hein, lever, élever, monter, grimper, donc c'est Pigne ou Zevel, quoi. Mais j'aime bien Pigne, hein. Pigne, c'est intéressant. C'est joli. Ouais, Pigne des. On peut pigner les escaliers. Hein? Non. Non, oui, pourquoi pas. Grimper, ouais. Mais souvent on va dire Zevel Ganderskier, hein, monter avec l'escalier, quoi. Bon, ben, on est arrivé au sommet de notre affaire, là. Bon, très bien. On passe donc à Brezhonek Tambatam. Thierry, Brezhonek Tambatam, et aujourd'hui c'est un portrait d'un Brezhonek Tambatam. Oui, j'avais envie de parler. Bon, il y a le printemps des poètes. Moi je le prolonge un peu, mais de toute façon c'est le printemps des poètes toute l'année. Finalement, on peut en parler toute l'année. Alors j'ai déjà parlé de pas mal de poètes comme ça. Alors il y en a un dont j'aimerais bien parler aujourd'hui, c'est August Löhrinker. Je sais pas si tu as entendu parler de celui-là. Écoute, je sais pas sûr. C'était pas Mabsulande. C'est Mabsulande. Ah, parfait. Bah, t'as gagné. Je me rappelle de ça parce qu'il y a des, à chaque fois que je passe près du Sulon, je pense. Je crois que c'était un prêtre. Oui, c'est un prêtre, oui. Oui, c'était un prêtre missionnaire. Et donc, il est né à Saint-Tigeau en 1903. Et donc, à 2 ans, il est parti. Sa famille s'est déplacée. Ils sont allés à Berzor, qui est dans la commune de Sainte-Tréfine. Et c'est un haut lieu de la résistance. Voilà. Et alors, Sainte-Tréfine, elle se trouve entre le Blavet et le Sulon. Le Sulon qui rejoint le Blavet à Kerizalver. Ça, c'est hein, le village du Sauveur. Et donc, on voit bien d'ailleurs la géographie de la commune, c'est entre les deux rivières. Et donc, il a été, bon, il a, comme tous les gamins, il a gardé les vaches au bord du Sulon pendant sa jeunesse, et ça l'a fortement influencé. D'ailleurs, il pêchait. Oui, il est toujours resté pêcheur. Et bon, il venait souvent au bord de Pommery de voir les recteurs ici. Et avant de venir, et avant l'arrivée, il prenait une ou deux truites à Pont-de-Gosville. Et là, il était très très bon à la pêche à la mouche là. Et à l'époque, il y avait beaucoup de poissons dans la rivière, quoi. Sur le petit ruisseau du Lor. Sur le ruisseau du Lor, oui. Ouais, il pêchait à la mouche. Il ne devait pas y avoir beaucoup de monde à pêcher à la mouche à l'époque. Non, c'était sa spécialité. Vers le crépuscule, là, la mouche au crépuscule. Le coup du soir. Et alors dans ses sermons, il parlait toujours de la pêche. Hein. C'était alors évidemment avec le jeu de mots sur la pêche aux hommes et la pêche aux poissons, quoi. Et parce qu'il était bon, il y a le point. En fait, quand il a été ordonné prêtre en 1926, il est parti étudier à Rome pour faire un doctorat en théologie. Il était docteur en philosophie. Il était docteur en philosophie. Et donc après, il a enseigné pendant 7 ans à Saint-Charles, à Saint-Brieuc. Et ensuite, il a été nommé recteur de Saint-Connan en 1939. Et à la Libération, il a demandé à être prêtre missionnaire, prêtre itinérant, parce qu'il supportait pas beaucoup le fait de rester comme ça dans une paroisse. Il aimait bien aller un peu partout, quoi. Et alors, on le voyait un peu partout. Il était pardonneur. Hein. Il allait dans les... Bon, il y a le printemps. Il y a le printemps, oui. Alors, il faisait des sermons en breton, des très beaux sermons, toujours plein de poésie, bien sûr, et d'humour aussi, il avait beaucoup d'humour. Et alors, il a écrit énormément de choses, hein. Il était très prolifique, il a écrit des cantiques, par exemple. Par exemple, le cantique « Au mari d'Oussama » de la Trémargate, 32 couplets, donc il y a de quoi faire une procession... complète avec ce cantique-là, quoi. Doussama, douce et bonne. Au mari Doussama, oui, douce et bonne, oui. Patron de Strémalgat, qui est inspiré de l'Ave Maristella pour le refrain. Et il y a 32 couplets là-dessus, quoi. Il a écrit aussi le cantique de Saint-Guillaume à Kergrismoël. Il y a le printemps, il a écrit un cantique pour Pommery, Trône de Variage. Il y a le printemps, d'autres, quoi. Hein. Alors ce sera intéressant de retrouver ça, de faire un jour... Un recueil des cantiques de Mabsulon. Mabsulon n'allait pas éditer, donc. Il a édité un volume de poésie en français qui s'appelait Méandre, hein. Mais autrement c'est des choses sur feuilles volantes, quoi. Hein. Donc ce sera intéressant de pouvoir. Surtout qu'il y a beaucoup de ces cantiques-là qui traînent dans des sacristies et tout, qui sont un peu abandonnés, voire oubliés. Donc, ce sera intéressant. Et alors, il a écrit aussi, parmi des tas de choses, il a écrit une plaquette sur Notre-Dame du Guillaudet, qui est pleine d'humour aussi. Il y a le printemps des... Et il a écrit un magnificat en breton qui se trouve, donc, qui est gravé sur marbre dans la chapelle du Guillaudet. Voilà. Et il est mort en 1972. Hein. Il était jeune, à 60 ans. Il est mort à Guarec. Voilà. Chez les sœurs à Guarec. Chez les sœurs à Guarec, oui. Alors, je pense que là, ce serait intéressant qu'on puisse... Alors, s'il y a des gens qui en ont, le printemps des poètes, c'est de conserver ça, et peut-être qu'un jour, on fera un recueil de ces œuvres, quoi. Bon, l'appel est lancé, hein, si les gens nous écoutent et qu'ils ont des textes écrits par... Ils signaient Mabsulon. Mabsulon, oui. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très précieux, parce que souvent les cantiques sont pas signés, ou alors il y a juste des initiales. Et par contre, il y a le nom du vicaire. Printemps des poètes. À ce moment-là, ce qui me fait enrager, souvent, c'est pas le vicaire général que je voudrais voir, c'est l'auteur, bien sûr. Et souvent, c'est. Alors, il y en a certaines, pour des signatures comme Joseph Serendour, JS. Hein, il y a l'abbé Loyer aussi, BL. Hein. Bon, il y a certains. Heureusement, on connaît les initiales, quoi. Mais il y en a qui sont pas signés, quoi. D'accord. Et il y a beaucoup de poésie dans beaucoup de ces cantiques-là. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Bon. Voilà. Voilà un petit hommage à un poète disparu, mais qui a beaucoup marqué le pays ici. Hein. Il était très connu. Il circulait avec une deux chevaux Vespa. C'est une petite voix. Attends des poètes, une voiture, là, qui pétaradait, là. Attends des poètes. D'accord. Bon, bah on en reste là. On passe à Petra Zonnevervo maintenant, Henri. Petra Zonnevervo, c'est la petite gazette d'Henri Le Naou, gazette bimensuelle. Eri, voilà. Petra Zonnevervo. Bah, calze trau Zonnevervo, chismat, boerve, je dis vous en. M'a peu soin de vos crocs, quand de l'arbre doux, arvel custum. Bon, ayons vraiment, ben, Nevermzer, hein, ayez point de la cade, un trévade, ou vel, leur maïs, mais bravo, ben, Nevermzer, hein, ne vaut que rester de la cadeur maïs blanc, me jongeant. Végel, Alice, me bicom, de tard, de ze roi d'elf, hein, zézo, pézuelat, peuplier, une galag, hein. Puis, vraiment, zo cudé, nous, quand zé, puis, y'aura ne ce que te, quoi d'oir, hein, bon, staliou, rawardro, roi d'Elve, au cas, là, qu'a d'un dut de Blantan, hein, bah, l'air yoglé, ben, bah, là, qu'a de, Hervenze. Puis, j'en vais une plie de cal, visor cal, je trouve, vel bouestiu four, ben, j'attraudis, hag, c'est tu vais, une plie, j'ai une mûre, vite, vais planter. Puis, zoval, et vel juste, hein. Redvo, hag, en c'est, ma zotude, hein, zo, ne soin de Blantan, hein. Passerai, au le même stra, mais Blantan au neub de, voir, bah, l'air yoglé, ben, fait bête en travaute. Neveso, bon, on dra, à gazelle de ce l'arbre d'ouar, à gazo tris, on t'en, tris, très, ma, mais, un petit lard en, hier, indes, bah, melcarez, au bizerat, penelan, à gazé, ouas, penelanter, quand le dudo, la boîte, à gazo zerad, à zézo, un tôle val, très, vidorvro, et vel juste, hein, calze d'oeil au val, zo bête, hein, mais de, vige, me zo, un tôle val, ouas, bon. Ne ce que Bekov est dans discloum benek visé, quoi. C'est une bizarre, quoi. Bon, comme ça, mon temps, vraiment, de ce politique, RS, un DL ou à Banangle, d'Aubertut, manifeste, et vide, vos radvines vannes, braise, ouardro d'Egmil Zobet, d'Egmil Dut, puis dire, ou à Bégalve, un Dut de manifeste, et visé, hag, bon, zobet, calze dud, a calze politikourien, de ze bepsort, stroladou, zobet, vid goul, vefe bet stag de Ligue Radlante, le Bronangle, de Benefine, de Vreis, velo a Gwegel, med, bon, calze dud, neus beklev, de pez neus lar, de notre ou Vals, là, Roux et Vrans, vraiment, Roux et Vals, et, hein, Roux et Manuel, tiens, tant, Agnes Glar, de, VGB, Red Ober, Randvroy ou Pelbrassor, Ag, Zouez, donc, plusieurs, bénéfines, tout de, Bulitico, y'en a Breizer, à 13 de, n'en que comprennent de Pesso Bellard, Ratresse de Jonjol, vos grèdes, Braise, Gampem, département. Mais n'est que Zétan, Mebé, de Jonge, Vals, hein, plusieurs, Vals, Pes de Swandor et Randvoye, ou Gand, Dek, Pé, Douz, département. C'est, aga, Karan, Zouezus, même ce musclette politique courrien de Zevro, hein, au lavar ou de bon Zézondra, bon Digor, des Noor, Redvo, Montpellor, mais n'est que Zétan, Mebé, hein, n'est que Zétan, Bé, aga, Spontus m'avait fait grézé, puis dur m'avait grézé, vos bains de braise, mais les fines, ben, mais ce que, dès que on est mes départements, vos échus en histoire braise, mais les fines, cardine, c'est au gré vustré, on jouait de, plus dur, assez bon, au clés de politico, rien, au lard de, bon, ne vaut que grézé, mais de bénéfine, pévoyer, Huls, tout de Jacobine dans le lac ensemble, c'est fait qu'ils agissent du, hein. Réven, Réru, tout de, on y a dû viser. Axézo, Andras Pontus. Quand m'avait grézé, vos stères divènes, vro, divènes, Zévena, durant un peu dur vos bains, tout d'un trou. Bon, et vel juste, m'avait grézé, ne vaut que de l'art et d'or du stu, quoi. Ne varvaut que d'un déwaler. Mais tant m'attend, voilà de zobet pis sa mode, bah, brunaud, là, hein. Déjà, il colle de spire de, quand calze d'une, du de, bonze, et, bide wastag de, ligar atlantil de ce pays de Loire, Elvelard. Ag, bon, vraiment, zo calze d'une, d'un une que j'en chine, une bide, brise. Ag, zézo cause tant m'attend, m'avait grédzé vos bains de brise, à vos colles de spire. Ag pelzo mon Jacobine do Caslar en Evro un bon boy Émile Combe ma Alice me scombe de Sins personne très mal de Hulselar et Émile Combe Mevelen Dion ag Hins de Sbeda in de scondang de prison de Boulard ag boy bon une trou une que change cal tombe trou vegred mais un trou de revoir une que change cal bon sais tu Gaftine ou arrête comme de sec à m'avait grézé, vous un drôle spont, tu suis de braise, hein. Ag, bonne gueule. Petrazon événement. De, sur roi manifeste, ivoise, m'avait grézé vos cas, d'une manifeste, quand bandier loup braise, à bagadou, yo, à Bobsorn, mais n'est que des échanges, on trouve. Puis dur, vela en d'art, Jean Jalron, un réseau bapen, on trouve, même ze braise, en me, drubardo, hein. Puis vos quiches, or, rendre vos bras, quoi. Plusieurs Zézo Basper et d'Air Jacobine. Hein. Bon, c'est une même grède, on tombe trop, voir. Non, que de l'art. Petrazone vert. Pas de l'art, Hendel, mais grède vos belles végèles. Kéno Henri.